est mélodique, solaire, et travaille le synthé funk avec délicatesse. Le Govelt, lui, est plus ésotérique, analogique, underground, et son truc, c'est la rave mystico-pété. Les deux sont néerlandais, mais dans deux univers parallèles. L'un est pop-friendly lumineux, lorsque l'autre plonge dans les clubs sombres et le do-it-yourself. C'était Onman Casio, et vous, vous êtes sur Dio. La nuit des temps, Radio Dio. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Pour Aoyama. C'est un quartier chic et élégant dans le centre-ville de Tokyo, dans le coin de Minato. C'est un peu la rue Michelin à nous, si vous voulez. Et c'est là-bas que les samouraïs résidaient il y a bien longtemps. Mariko Katsuragi, nous sommes en 2025. International de la danse. We'll be right back. 2020. De Londres, Rachel William officie au Rye Wax, un club situé au 133 Rye Lane à Peckham. Son nom de scène, c'est Ambient Vape Station Meltdown. Nous sommes en 2025, toujours. Forever. Oh, dream every dream. Suicide apparaît dans le New York Underground des années 70, aux côtés de Television, Patti Smith, les Ramones. Sauf que non, ni guitare ni batterie, juste une boîte à rythme et un synthé. La nuit des temps, Radio Duo. Yes, me lion. Yeah, me rasta. And I just come to check out the club, you know. Yeah, man. So what, you know, come? I will play there. The name of the band, them name of Carda, man. Never heard. Just come in with them and go check them out. Yeah, man. Walking upon the moon or something like that. En 1979, pour le groupe The Police, Walking on the Moon cherche à décrire l'état amoureux. On est sur un nuage, comme si on marchait sur la lune. 20 ans plus tard, message reçu pour Dubskane, qui fabrique un dub tout mignon et encore un peu plus trippant. We'll be right back. c'est notre power play de la semaine. Un power play hollandais et virevoltant. Chouk et Lego Velt, Amsterdam, nous sommes en 2025. La nuit des temps, l'international de la danse. Je vis au rêve.

no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though old or new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Blake jouait du piano dans les clubs queer et gays du West Village à New York, plus particulièrement au Five Oaks, dans une petite salle. Et toutes et tous se retrouvaient pour chanter une dernière chanson avant de fermer les portes au petit matin. Nous sommes au début des années 80. Le sida allait tragiquement faire des ravages et balayer toute la communauté. I just called. Une autre étoile brille ce soir dans le ciel de Saint-Étienne. C'est celle du batteur et pianiste de jazz, Jack DeJohnette. Il vient de nous quitter. Alors on lève les yeux vers le ciel de Saint-Étienne et on ouvre grand nos oreilles. On fait demi-tour, turn around, comme Jack DeJohnette. Et on regarde celles et ceux qui nous ont fait danser ce soir dans la nuit des temps, avec DJ Melk, depuis les grosses fêtes du nord du Brésil. Il y avait également Chouk et Le Govelt, cette fois depuis Amsterdam, pour leur électro. Pimpé ou FBM avec la promesse des jours meilleurs. Mariko Katsuragi nous a promenés dans un quartier chic de Tokyo. Et Ambient Babe Station Meltdown nous a ramenés au Rai Wax. Un club dans le sud-est de Londres. On a également croisé Alan Vega, période Suicide, pour son Dream, Baby Dream. Et ce petit truc inquiétant dans le refrain lorsqu'il ajoute Forever. Rapido, on a croisé au bar Childish Gambino et son dial-up. Ou Dubsane, qui reprenait le célèbre Walking on the Moon de The Police. Flora Fishback nous a fait tomber dans les abysses des mers profondes et glacées, avec Jean Reno, période Grand Bleu. Ou le pianiste de Las Vegas, Liberace, celui qui a élevé le kitsch pianistique au niveau des beaux-arts. Et Mary Blake, assise sur une banquette du Club Five Oaks à New York, et qui reprenait jusqu'au petit matin quelques standards avec sa formidable voix. Il arrive sur son tapis volant. C'est Dan et son comme à la radio. Comme tous les mois, pendant 2 heures de bidouillage, de mix, de plein de sons différents qui viennent de sources dont on ne connaît même pas les noms, des machines, des synthés, des vinyles, le tout mixé pendant 2 heures en direct. Mais avant, il arrive en tapis volant. Il est 22h sur Radio Duo. Le temps que Dan s'installe pour tout mixer en direct. Quelques bonus de la nuit des temps. Il y a du vent. Le ciel est beau. Buena noté. Salut. Thank you. La nuit des temps, Radio Duo.